Guide pédagogique, test 6, compréhension de l'oral. Écoutez l'enregistrement une première fois, lisez les questions, écoutez l'enregistrement une deuxième fois et répondez. Les jours sont plus courts et il fait plus frais. Le temps est couvert. Ce n'est pas une raison pour être triste. L'automne est la saison idéale pour découvrir l'Europe. Art nouveau à Bruxelles, mode à Turin, dégustation de vin à Porto, bain chaud à Budapest ou expo à Londres. Voici 5 idées week-end pour un automne placé sous le signe de la découverte et du bien-être. Retrouvez le sourire et voyagez sur un vol Air Europe. Toutes nos offres sur www.aireurope.fr.